pas besoin d'être grand clerc pour savoir que les épidémies dans l'histoire de l'humanité et de tout temps ont touché plus durement les plus pauvres et les populations les plus défavorisées leur payent toujours un plus lourd tribut. Depuis le 19e siècle, une discipline se penche sur le lien entre conditions de vie et risques en santé, et l'actuelle pandémie de Covid-19 n'échappe pas à la règle. Des données outre-Atlantique montrent par exemple que les populations noires américaines ont 3 fois plus de chances de tomber malade et 6 fois plus de chances de mourir que les blancs. En France, on suspecte que la situation est similaire, mais on ne peut que le suspecter car le recueil de données sociales et ethniques est proscrit par la loi. Est-il temps de briser ce tabou et de laisser l'épidémiologie sociale se développer sur notre territoire. Épidémiologie sociale, santé, inégalité, comorbidité, c'est le programme médico-social qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. C'est ce qu'on appelle un beau début savonneux pour cette émission, pour parler donc de cette dimension sociale de l'épidémiologie au regard de la pandémie que nous traversons. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et à distance Michel Kelly Irving. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chargé de recherche INSERM au sein du laboratoire d'épidémiologie et analyse en santé publique avec l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. Et nous sommes également en ligne avec Cyril Delpierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche INSERM au laboratoire d'épidémiologie en santé publique, risques, maladies chroniques et handicap. Alors pour commencer, bien, ce qui a mis le feu aux poudres en France, c'est un rapport de l'INSEE indiquant un taux de surmortalité en Seine-Saint-Denis le plus haut du pays, de près de 120% de plus par rapport à l'année précédente. Et on s'est rendu compte que non seulement l'épidémie touchait plus durement les plus défavorisés, mais que le confinement et les mesures d'accompagnement elles-mêmes n'avaient pas été pensées en fonction des inégalités sociales, comme en atteste cet extrait d'une interview de l'économiste Thomas Piketty. Nous sommes le 24 avril dernier. Moi, ce qui me frappe d'abord le plus dans cette crise, c'est la violence des inégalités sociales face à la crise. C'est-à-dire que dans le confinement, on n'est évidemment pas tous égaux, on a des personnes dans des logements minuscules, et puis on a un problème, là, un peu plus directement économique, qui est sur la politique de compensation en termes de revenus. C'est-à-dire la politique de chômage partiel qui a été mise en place pour l'instant, je pense, est très insuffisante parce qu'on oublie beaucoup qu'on a énormément de travailleurs qui n'en bénéficient pas. Beaucoup de personnes qui sont sur des statuts précaires, d'intérimaires, qu'on voit dans la rue continuer de faire des livraisons à vélo, des personnes qui étaient en fin de CDD, par exemple, au début du confinement. Donc voilà, aujourd'hui, la vraie urgence, c'est d'abord essayer de faire face à ces inégalités extrêmement fortes face à la crise épidémique. Voilà, Thomas Piketty sur France 24, le 24 avril dernier. Peut-être une réaction à cette déclaration de l'économiste Michel Kelly Irving. Oui, ce que soulève Thomas Piketty sont exactement les choses que nous attendions en fait à voir à partir du début de cette épidémie, puisque dans les travaux d'épidémiologie sociale, ça rejoint tout à fait ce qu'on voit pour une bonne partie des pathologies, c'est-à-dire un gradient socio-économique et social qui se dessine. Et qui se dessine dans une population française ainsi que d'autres populations européennes, et aussi qui se réplique sur les nouvelles maladies. Donc là, voilà, on en a une, le Covid-19, et nous voyons apparaître ces gradients socio-économiques auxquels on s'attendait en fait. Cyril Delpierre. Même commentaire, effectivement, ce qui est soulevé par Thomas Piketty, ça fait partie des hypothèses que l'on aimerait pouvoir tester avec des données françaises, mais il est clair que le risque d'infection, comme le vécu du confinement, n'impacte pas de la même façon les gens en fonction de leurs conditions sociales. Alors, on va revenir sur l'une des problématiques de l'épidémiologie sociale en France, qui est celle justement de la mise à disposition d'un certain nombre de données, qui sont des données très sensibles en France. On va voir évidemment toutes les problématiques que l'on peut bien cerner autour de cette discipline, mais peut-être un mot par rapport à l'introduction, ce que je disais il y a quelques secondes, c'est-à-dire que finalement le fait que les maladies, les épidémies touchent de façon prioritaire les populations les plus fragiles. C'est quelque chose d'assez intuitif, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, ça n'est pas une découverte en quelque sorte, Cyril Delpierre. Non, non, c'est pas une découverte. Les mécanismes par lesquels, par contre, la condition sociale, au gré de l'évolution des sociétés, peut être liée à l'état de santé ou au risque, par exemple, d'avoir une infection, sont modifiés, évoluent, et donc justifient de les étudier pour essayer de comprendre ces mécanismes évolutifs et éventuellement de réfléchir à des interventions pour les réduire. Michel Kelly Irving sur le fait qu'il y a effectivement que c'est quelque chose qui se répète, qu'on l'a dit, on l'a su. On va revenir sur l'histoire de l'épidémiologie sociale et de voir comment tout ça s'est organisé en discipline au fil du temps. Mais ces données dont on ne dispose pas, cette intuition, ces relevés de l'INSEE, finalement, on les attendait en fait. Elles étaient assez prévisibles. Oui, oui, tout à fait. Elles étaient prévisibles à la fois en nous disant que l'exposition ne serait pas la même selon le milieu socio-économique, selon le travail auquel on doit aller faire si on ne peut pas télétravailler, aussi en termes du logement dans lequel on vit. Donc on n'est pas exposé de la même façon à un risque d'infection, et ça on le connaît de par d'autres maladies infectieuses, mais aussi en termes de la sévérité de la maladie. Donc nous voyons très bien pour le Covid que la mortalité est surélevée dans les populations plus pauvres en Grande-Bretagne. Elle est beaucoup plus surélevée lorsqu'on est dans une population plus socialement défavorisée, et aussi en termes de ces facteurs ethno-raciales. Donc il y a un rapport qui est sorti hier aussi donc sur ces éléments de mortalité, de sévérité de maladie. Et nous attendons, nous allons voir selon les données qu'on peut obtenir pour la France, mais nous attendons à voir quelque chose de semblable de par des mécanismes divers qui relèvent des expositions qui sont socialement différenciées et qui font que nous réagissons à notre environnement de façon différente, et notre biologie y répond aussi. Donc voilà, on peut parfois confondre cet élément biologique avec ce que certains vont tout de suite penser être des éléments génétiques. On n'est pas du tout en train de dire ça, mais Cyril a soulevé les mécanismes possibles pour cette sévérité et mortalité différenciée. Et c'est l'une de ces formes de mécanismes, sont des mécanismes qu'on appelle, qui vont du social vers le biologique. Mmh. On va avoir le temps d'examiner tout cela au cours de cette heure. Peut-être un mot également en guise d'introduction. Vous avez l'un et l'autre signé le 4 mai dernier une tribune publiée dans Libération intitulée « Pour lutter contre les inégalités sociales de santé, il faut pouvoir les mesurer ». Aujourd'hui, la France est en retard en termes d'épidémiologie sociale. C'est compliqué de travailler compte tenu des contraintes qui sont liées et qu'on va évoquer justement la disponibilité des données en France, Cyril Delpierre. Oui, clairement, on est dans une situation où que je qualifierais de frustrante, puisque des données existent. Tout à l'heure, vous avez commencé l'émission en disant que les données n'étaient pas utilisables. En fait, elles le sont, mais elles sont conditionnées évidemment pour pouvoir assurer l'anonymat et leur utilisation de manière la plus scientifique et rigoureuse qui soit. Mais effectivement, en France, le croisement de données sociales avec les données de santé sont pour l'instant est compliqué, parce que ce sont aujourd'hui deux mondes relativement différents. Et donc quand on s'intéresse à vouloir croiser des données de santé collectées par des professionnels de santé, par exemple, à des données sociales, on va en France être rapidement face à une situation dans laquelle on n'aura pas de données sociales dans les dossiers médicaux, et donc on va devoir se retourner vers des données sociales renseignées, mais pour lesquelles nous n'aurons pas de données de santé. Donc en fait, on est toujours au milieu de cette balance entre des données sociales disponibles d'un côté sans données de santé, et des données de santé disponibles de l'autre, mais sans données sociales. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10, nous parlons donc d'épidémiologie sociale tout au long de cette heure en compagnie de Michel Kelly Irving et de Cyril Delpierre. On va revenir un peu justement aux origines de cette discipline. Historiquement, quelles sont les prémices de l'épistémologie sociale, Michel Kelly Irving? À quel moment on commence à croiser justement les données de santé avec des données sociales? Alors, bon, on va pas aller jusqu'à remonter vers l'Antiquité, parce que je pense qu'on pourrait le faire, mais voilà. Si on parle de la France, donc moi j'ai été moi-même formée en Grande-Bretagne à cette discipline d'épidémiologie sociale, mais la France a commencé à travailler ou à s'intéresser à cette question. Souvent, ce premier travail est attribué à Villermé, donc une personne qui travaillait donc à Paris et qui a mis en évidence un lien entre les taux de mortalité dans les quartiers, dans les arrondissements parisiens, et la pauvreté dans ces quartiers-là. Donc on pourrait parler... On est en 1826, Louis-René Villermé. Dans les années 1820. Au début du 19e siècle. Oui. À peu près à la même époque, on voyait aussi des travaux en Grande-Bretagne, du 19e siècle autour de Marx, Engels, sur les mêmes questions. Et me semble-t-il aussi, en Prussie, il y avait Rudolf Virchow qui travaillait sur ces questions-là aussi. Donc voilà, en Europe, on a un peu vu une convergence à cette époque-là du 19e siècle. Cyril Delpierre ? Oui, je dirais que au moment de la révolution industrielle, il y a eu dans différents pays des travaux qui ont montré que les conditions de travail, notamment, étaient liées à la mortalité des personnes assumant ces fonctions. Et donc, on a commencé à cette période-là à voir apparaître des travaux donc d'épidémiologie sociale, notamment liés aux conditions de travail ou aux assurances, notamment aux États-Unis, qui devaient assurer les travailleurs et qui donc se posaient la question du lien, par exemple, entre conditions de travail et mortalité ou état de santé. Ce qui est intéressant, c'est que dans les travaux de Villermé, Villermé montre que les plus grands taux de mortalité ne sont pas tant liés aux facteurs environnementaux comme l'insalubrité des logements, la nutrition, mais bel et bien à un facteur plus large qui est celui de la pauvreté et donc de la condition sociale des habitants, Cyril Delpierre. Oui, parce que quand on parle de pauvreté, on pourrait imaginer que derrière, on parle de conditions uniquement matérielles, mais derrière le concept de pauvreté, vous avez énormément de dimensions qui sont impactées par cette situation et qui peuvent agir sur la santé. Et donc effectivement, la pauvreté englobe beaucoup plus de mécanismes potentiels pour expliquer un état de santé que, par exemple, le seul revenu ou que la seule condition financière. Petit à petit, cette discipline va se structurer. En fait, elle n'apparaît vraiment officiellement, je vais dire, qu'à la toute fin du XXe siècle, dans les années 80, Michel Kelly-Irving. Où ça, en France? En France, oui. Alors, oui, je pense que la France, même jusqu'à il y a peu d'années, c'était pas quand même une grande tradition en France d'étudier ce qui s'appelait par ailleurs la médecine sociale ou l'épidémiologie sociale. Donc oui, bien entendu, il y a eu des travaux à partir des années 80, mais je pense que on peut vraiment marquer autour des années 2000 l'intégration de la réflexion sur les inégalités sociales de santé plus clairement et aussi dans les politiques, dans les documents politiques où on commence vraiment à le voir apparaître un peu plus frontalement, je dirais. Cyril Delpierre, je pensais au texte de Jonathan Mann en 1988. Vous pouvez peut-être nous dire de quoi il retourne? Oh, je vous dirais que ce texte-là, en tant que tel, je ne sais pas véritablement ce qui est précisé dedans, mais par rapport à votre question précédente sur la situation en France, je dirais que dans les années 2000, il y a eu un livre qui a fait date, qui a fait un petit peu le constat et la situation des inégalités sociales en France et qui avait été publié par nos collègues de Thierry Lang, Annette Leclerc, Marcel Goldberg, Guy Fassin, et donc qui avait montré la situation des inégalités sociales en France et donc qui, pour nous, est un livre qui est important puisqu'il date à un moment donné une situation sur les inégalités sociales en France et donc on peut depuis cette date voir tous les progrès qui ont pu être faits sur les 20 dernières années. Qu'est-ce que c'est alors, comment est-ce qu'on définit aujourd'hui concrètement ce qu'est l'épidémiologie sociale par rapport à l'épidémiologie générale? On en a beaucoup parlé, on en a énormément parlé ces dernières semaines évidemment dans le suivi épidémique. Quelle est la différence, quelle est la spécificité? Est-ce que l'épidémiologie sociale, on parle plutôt de recherche des déterminants sociaux de la santé, est-ce que c'est totalement synonyme ces deux expressions, Cyril Delpierre? Je préfère la deuxième, je préfère les déterminants de la santé. Les déterminants sociaux de la santé qui peuvent aboutir à des inégalités. Mais effectivement, On est dans le champ de l'épidémiologie puisqu'on s'intéresse aux facteurs de risque de maladie. On essaie de comprendre le développement, la distribution des maladies au sein d'une population. Mais notre exposition principale, ce sont les conditions de vie, ce sont l'environnement social avec effectivement toutes les dimensions qui sont derrière. Et effectivement, on a une façon de réfléchir très longitudinale. Pour essayer de vous donner un exemple, on peut imaginer que, par exemple, les comportements, le tabac ou la consommation d'alcool peut être liés à un état de santé donné, mettons les maladies cardiovasculaires. Mmh. Nous, on va essayer aussi de regarder comment l'environnement social en amont peut conduire à certains types de comportements, favoriser certains types de comportements et expliquer aussi le lien que l'on a entre comportement, par exemple, et état de santé. Donc, on a une approche qui est très longitudinale, qui est très chronologique. On essaie de voir comment les choses s'enchaînent au cours du temps, depuis finalement notre conception. Il y a des travaux depuis le début de la vie, vraiment pendant la vie intra-utérine, et comment finalement tous ces facteurs qui sont liés aux conditions sociales peuvent s'enchaîner, impacter, se potentialiser éventuellement pour pouvoir aboutir à un état de santé 10, 20, 30 ou 40 ans après. Oui, c'est ça, Michel Kelly-Irving, hein, c'est-à-dire que vraiment, c'est le suivi de patients depuis la vie intra-utérine et de voir comment les conditions sociales impactent immédiatement dès la grossesse et puis ensuite tout au long du parcours de vie, dans l'enfance, dans l'adolescence, puis à l'âge adulte et qui a effectivement, comme vient de le dire un mot important, je pense, Thierry Delpierre, une potentialisation d'un certain nombre de traits qui vont d'un seul coup avoir des répercussions importantes sur la santé d'un individu, décidément, aujourd'hui. Ça, j'ai du mal. Michel Kelly-Irving. Oui. Alors, effectivement, donc on parle souvent pour essayer de convaincre d'ailleurs nos collègues des disciplines plutôt médicales, cliniques, on parle des causes, les causes des causes. C'est-à-dire que, comme Cyril a dit, certes, le tabac va être une cause d'un certain nombre de pathologies, mais quelle est la cause du tabac? Et quelle est et donc on essaie de remonter vers quelles sont les origines de ces chaînes qui sont imbriquées au cours de la vie, comme vous avez décrit. Nous utilisons une approche qui en anglais s'appelle le life course approach, l'approche du cours de la vie, qui s'intéresse vraiment à mettre en exergue cette complexité qui se joue dès la naissance, qui est à la fois une complexité de l'être humain organique, biologique, on va dire, mais aussi de toutes ces structures sociales dans lesquelles nous vivons. Et vous avez évoqué les déterminants sociaux de la santé. Donc clairement, c'est un aspect extrêmement important de notre métier, de ce qu'on fait. Mais on s'intéresse surtout aussi à ces structures sociales dans lesquelles sont les déterminants de la santé. Et ces structures sociales sont beaucoup plus difficile à définir et à mesurer. La classe sociale, par exemple, est très... Ce sont donc des concepts souvent venant de la sociologie ou d'autres disciplines qui nous intéressent pour ensuite définir les déterminants sociaux et voir comment ils affectent la santé tout au long de la vie. Mais alors je vais poser une question volontairement un peu provocatrice et pour entendre votre réaction à ce propos. Et c'est une fois qu'on a dit les pauvres sont en plus mauvaise santé et les riches sont en meilleure santé parce que ils ont les moyens de mieux manger, de mieux se soigner, qu'est-ce qui reste à dire, Cyril Delpierre? Je vais prendre l'exemple par exemple du Covid par rapport à ce que vous disiez en tout début d'émission. Vous allez mettre en évidence que les personnes qui sont employées ou ouvriers ont plus de risques d'être infectées. La réponse, la question après, c'est pourquoi? Quels sont les mécanismes? Et c'est à partir de là que, je dirais, notre travail commence. Vous pouvez imaginer que c'est parce que les ouvriers sont exposés, via leur métier, à, par exemple, des expositions chimiques qui vont altérer leur fonction pulmonaire et donc les rendre plus à risque d'être infectés. Vous pouvez imaginer aussi que, comme ils sont ouvriers, ils ont peut-être des revenus moins élevés et donc des conditions de logement qui favorisent, par exemple, la promiscuité et donc la transmission de la maladie. Vous pouvez aussi imaginer que de par leur vie et les stress chroniques auxquels ils ont été exposés depuis qu'ils sont enfants, dans les conditions sociales dans lesquelles ils ont grandi, ils ont peut-être un système immunitaire qui a un profil de réponse qui est différent d'autres groupes sociaux, ce qu'on a aussi effectivement étudié dans le champ de l'épidémiologie sociale. Et donc en fait, vous avez tous ces mécanismes potentiels. Il faut, un, les identifier, deux, les ordonner, dans l'idée après de pouvoir proposer des interventions de prévention, notamment aux politiques. parce que on a essayé dès le début de donner de l'argent à des personnes en imaginant que puisqu'ils sont pauvres, si on leur donne de l'argent et qu'on les rend riches, c'est une image, on aura réglé le problème des inégalités sociales de santé. Or, ça marche pas comme ça, parce que les mécanismes qui sont derrière, qui sont associés au fait d'être plus pauvre ou d'être moins socialement favorisé, sont complexes, multiples, et donc nécessitent d'être étudiés finement si on veut éventuellement un jour proposer des interventions pour les réduire. Dans ce sens, Michel Kelly-Irving, en fait, on peut vraiment parler d'épidémiologie analytique. Oui, donc c'est sûr que nous analysons les origines beaucoup plus complexes sociales des maladies. Est-ce que vous avez soulevé en étant provocateur, ça soulève surtout que la santé est construite en dehors de l'hôpital. Elle est construite en dehors du maison médicale qu'on va visiter. Elle est construite tous les jours par tout ce qu'on fait, par tout ce que nous vivons, par les discriminations que nous pouvons vivre si on est d'une minorité, par exemple. Toutes ces choses-là viennent jouer sur la santé. Et du coup, pour améliorer la santé de tous et éventuellement voulant redresser les inégalités sociales de santé, il faut regarder dans tous les champs de la vie et toutes les politiques. Nous pouvons pas nous adresser simplement à soi-disant des politiques de santé pour améliorer la santé. Il faut regarder le logement, il faut regarder l'éducation, les écoles, il faut regarder vers toutes ces choses-là puisque ces choses-là construisent la santé. Bien sûr. Alors, on va évidemment, une fois qu'on aura fait un peu le tour théorique de la discipline, on va l'appliquer aux différents enseignements qu'on peut en tirer. C'est un champ, comme on le disait tout à l'heure, très développé dans les pays anglo-saxons, outre-Atlantique, aux États-Unis, outre-Manche aussi, en Grande-Bretagne. Et notamment, et c'est ce vers quoi j'aimerais vous amener aujourd'hui, parce que dans ces pays-là, on n'a pas du tout la même culture au rapport des données de santé et de justement de la catégorisation sociale des données de santé. Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi est-ce que on n'a pas le droit, par exemple, où il est très compliqué, en tout cas, de collecter des données sociales, des données ethniques, hein, puisque c'est aujourd'hui peu ou prou, et vous allez me corriger et préciser cela, interdit par la loi. Qu'est-ce qui se passe, Cyril Delpierre? Alors, c'est pas interdit par la loi. On peut travailler sur des données ethniques. On peut travailler sur des données sociales. Ça demande effectivement des accords de réglementation, notamment de la Commission nationale informatique et liberté. Mais il y a des possibilités. C'est simplement que historiquement, il y a des raisons historiques à notre pays qui font que, de manière culturelle, de manière encore une fois historique, la collecte des données sociales pose problème. Et alors, en fait, pourquoi expliquez-nous ces raisons historiques, c'est intéressant. On a un passif, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, qui a montré à quoi pouvaient servir des listings au regard de nos orientations religieuses, au regard de ce qu'on pourrait appeler l'ethnie. Cette crainte de catégoriser des gens et finalement d'utiliser ces catégories pour pouvoir leur faire subir quelque chose de négatif, c'est une crainte que l'on a depuis longtemps en France. Et donc probablement que ces éléments jouent dans la difficulté particulière de la France. Après, on peut faire que des hypothèses. Nous, dans les discussions qu'on a entre épidémiologistes sociaux, on pense aussi que la France, elle est construite sur cette notion d'égalité entre les citoyens. La notion même de république ne fait pas de différence entre les citoyens. Et donc, aller regarder des différences de, par exemple, de prise en charge sanitaire, des différences d'outcome de santé au regard de ces caractéristiques sociales, c'est poser une question qui va un peu contre les fondements sur lesquels on s'appuie et de manière très très importante en France. Donc ça aussi, ça peut jouer sur notre rapport à la collecte d'informations que l'on juge sensible. Michel Kelly-Irving, sur ce sujet. Alors, donc, moi, je suis pas d'origine française, je suis d'origine irlandaise, et je dois avouer que, en venant en France et travaillant ici, j'ai pas compris pourquoi, au départ, pourquoi on n'avait pas ces données, puisque, ayant travaillé en Grande-Bretagne et en Irlande, les informations qui sont considérées comme des informations sociales, donc, et je souligne ça parce qu'il y a souvent une confusion autour de tout ce qui est catégorie ethno-raciale, certaines personnes peuvent penser que nous essayons de catégoriser les gens en termes d'une notion de race biologique, Donc, je souligne que c'est pas du tout le cas. On est en train de parler de groupe social. Moi, je dois avouer que j'ai trouvé ça étrange, puisque en France, lorsqu'on constate les inégalités sociales de santé en termes d'autres données, des données de classe sociale, la catégorie socio-professionnelle et ainsi de suite, on voit des écarts très évidents entre ces classes sociales en termes de leur santé, en termes de leur mortalité. Et lorsqu'on se balade dans la rue et on vit en France, on voit que il y a un élément d'ethnicité qui est associé à cette condition sociale. C'est vrai que pour moi, j'étais étonnée de pas pouvoir le souligner ou de le confronter, puisque ça fait partie des complexités, de choses qu'on doit essayer de comprendre et de vouloir redresser. Voilà. Mais je pense que c'est complexe, parce puisque la France a une histoire, comme l'a décrit Cyril, et puis aussi à son histoire postcoloniale, auquel j'imagine qu'elle doit faire face. Alors, c'est intéressant parce que on en parlait ici pour tout autre chose, hein. Là, on en parlait pour autour il y a une quinzaine de jours autour de l'application Stop Covid et de l'extrême sensibilité que constituent les données de santé. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème qui est lié à la nature même de ces données, à la nécessaire extrême confidentialité pour ne pas bien qu'un seul coup ces données puissent devenir discriminantes si elles sortent, si elles sont utilisées d'une autre façon. On voit que ça peut donner lieu à des travers très très graves, et notamment outre-Atlantique, Cyril Delpierre. Est-ce que là, il n'y a pas effectivement quelque chose qui coince vis-à-vis de l'époque dans laquelle on est, qui fait un commerce gigantesque, ou en tout cas une utilisation presque boulimique de ce type de données pour des données sensibles comme celles de santé? Vous avez raison, il y a un risque. Il y a un risque clair de discrimination quand on utilise ces données. Néanmoins, la situation actuelle montre qu'il y a des inégalités sociales de santé, donc une discrimination existe dans le sens où moins vous êtes favorisé socialement, plus votre espérance de vie est courte. Donc des discriminations, il en existe. Et donc ce qui est compliqué, je trouve, c'est d'arriver à convaincre de manière large la société que de collecter ces informations, c'est le meilleur moyen pour lutter contre les discriminations qui ont d'ores et déjà lieu. Bien sûr, mais comment on les connecte justement ces données, parce que compte tenu de leur sensibilité, à quel moment est-ce qu'on peut les prendre, est-ce qu'on peut faire confiance à son médecin, est-ce que c'est via l'hôpital, enfin vous voyez, il y a un vrai problème de collecte tout de même. Alors oui, vous posez une question qui est majeure dans ce domaine-là. On peut imaginer que ce soit directement les médecins, par exemple, qui collectent des informations sociales, sauf que c'est pas véritablement leur mission au départ. Et donc on peut une autre façon de répondre à cette question, c'est d'utiliser des données qui sont d'ores et déjà collectées. En France, on a des données sociales qui sont collectées, par exemple les données du recensement. L'INSEE collecte des informations sociales très très précises sur les individus. Une possibilité donc serait de croiser ces informations collectées par l'INSEE, qui sont très très détaillé au niveau social, avec des données de santé, par exemple par le numéro de sécurité sociale. Mais là, effectivement, il faut donner toutes les garanties possibles aux gens pour être sûr que cette utilisation, elle va être faite pour leur bénéfice et non pas contre eux. Et ça demande un travail d'explication, de pédagogie qui prend du temps et qui va encore prendre du temps, je le crains. Michel Kelly-Irving. Oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faut pouvoir rassurer les gens, il faut pouvoir mettre en place des garanties, il faut avoir toutes ces choses-là, et c'est complètement raisonnable que les personnes veulent savoir ce qu'on fait de leurs données et comment et ce qui peut être en être fait aussi. Et donc je rejoins complètement cette idée-là qu'il faut les protéger. Je dirais aussi que les données sociales et socio-économiques de toute nature sont tout aussi importantes d'être précis et bien collectées, bien réfléchies, tout autant qu'une donnée médicale. Et souvent dans notre métier, ce qu'on peut entendre, c'est que, allez, on va collecter ces choses-là vite fait, c'est facile, alors que le vrai challenge, en fait, c'est de collecter les données biologiques, de santé, et là, il faut une vraie expertise. Non, il faut une expertise des deux côtés, et pour cette raison, il faut faire un lien entre les experts du social et des données sociales, l'INSEE par exemple, et les experts de la santé de façon égale. Leur expertise à chacun est importante. Et puis, bon, pour la confiance dans la santé, les gens ne vont pas suivre les consignes, ce qu'on leur recommande en santé publique s'ils n'ont pas confiance en nous. Et donc, il faut que cette confiance soit présente. Et je donnerai juste un petit exemple. Le terme « contact tracing », c'est le terme utilisé pour suivre les contacts, par exemple, des personnes infectées par le Covid, pour essayer d'en identifier d'autres. Et ce terme-là a été utilisé il y a 2 jours par rapport aux manifestants aux États-Unis par un chef de sécurité à Minnesota, en disant qu'il allait tracer pour chercher les casseurs dans les manifestations. Donc ce rapprochement entre le contact tracing, un terme épidémiologique, pour ensuite parler du traçage des personnes et de les ficher, c'est un énorme problème. Ça soulève vraiment le grand problème auquel on est face pour que les gens aient confiance dans la santé. Oui, puis ensuite, on pourrait parler pendant des heures de la question de la sécurisation, du stockage de ces données, etc. On en avait beaucoup parlé justement à l'occasion de l'émission que nous avions consacrée à cette application au contact tracing et à cette application Stop Covid. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de ce qu'était en fait théoriquement cette discipline, l'épidémiologie sociale, bien on va essayer de l'appliquer, et notamment de l'appliquer à l'épidémie en cours pour voir la différence de traitement entre notamment les pays qui ont accès à ces données. À ces données socio-ethniques et à ce que nous pouvons faire, nous, ici en France, avec les données dont nous disposons. Say, I know a bundle of humanity, she's about so high, and I'm nearly driven to insanity when she passes by. She's a snooty little cutie, she's been so hard to kiss. I'll try to overcome her vanity, and then I'll tell. I'm young and healthy, and you've got charms. It really be a sin not to have you in my arms. I'm young and healthy, and so are you. When the moon is in the sky, tell me what am I to do? Say, if I could hate you, I'd keep away. But that ain't my nature, I'm full of vitamin A. I'm young and healthy, so let's be bold. In a year, 2, 3, maybe we will be too old. I'm young and healthy, and you've got charms. It'd really be a sin not to have you in my arms. I'm young and healthy, and so are you. When the moon is in the sky, tell me what am I to do? If I could hate you, I'd keep away. But that ain't my nature, I'm full of vitamin A. Say, I'm young and healthy, so let's be bold. In a year, 2 or 3, maybe we will be too old. I'm young and healthy, and you've got charms. It would really be a sin not to have you in my arms. I'm young and healthy. And so are you. Young and Healthy de la comédie musicale 42nd Street, chantée ici par Dick Powell à 16h35 sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure d'épidémiologie sociale avec Michel Kelly-Irving, qui est chargé de recherche INSERM au sein du laboratoire d'épidémiologie et analyse en santé publique avec l'université Toulouse-Paul III Sabatier, et Cyril Delpierre, qui est chargé de recherche INSERM au laboratoire d'épidémiologie en santé publique, risques, maladies chroniques et handicap. Et bien maintenant que nous avons, comme je le disais, le bagage théorique, nous allons essayer d'appliquer ce bagage théorique à l'épidémie de Covid en cours. Peut-être un mot sur les statistiques que je donnais, qui sont disponibles et qui résonnent, il faut le dire, très particulièrement aujourd'hui dans ce contexte de lutte pour les droits civiques et contre les discriminations, en dehors des violences policières, mais c'est évidemment un tout. C'est l'extrême prégnance, l'extrême surreprésentation de la maladie dans les populations noires américaines. On parlait tout à l'heure, j'évoquais ces chiffres. Un noir américain a 3 fois plus de chances de tomber malade aujourd'hui qu'un blanc et 6 fois plus de chances de mourir. Peut-être un commentaire sur ces mots. Comment ont-ils été obtenus et comment est-ce que vous les interprétez, Cyril Delpierre? Ben, je Effectivement, c'est des données qui sont intéressantes. Comme vous l'avez dit en début de réunion, ça, d'émission, ça nous surprend pas par rapport à ce que l'on sait des États-Unis, parce que la distribution sociale des métiers, par exemple, les conditions d'habitat, on sait bien que ces facteurs-là sont distribués de manière différente en fonction des caractéristiques sociales des individus, et que les Noirs américains concentrent énormément de difficultés. Ces résultats sont peu surprenants. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il en est de même en France, par exemple? Est-ce qu'on retrouverait exactement les mêmes liens ou pas? Par exemple, on fait l'hypothèse dans le Covid, quand je dis on, c'est une hypothèse qu'on fait avec Michel, on imagine que probablement les caractéristiques sociales des personnes qui ont été contaminées par le Covid ont varié en fonction de la période de l'épidémie. Donc probablement qu'au début de l'épidémie, on fait l'hypothèse que les gens qui ont été contaminés, c'est des gens qui avaient un mode de vie mondialisé, qui étaient capables de voyager, par exemple, parce que leur métier leur proposait cette possibilité-là, ou parce que ils voyageaient pour du tourisme. Et donc probablement que les premiers cas ont été des personnes qui étaient plutôt socialement avantagées, et que par contre, au gré de l'installation de l'épidémie et du confinement qui a été mis en place, c'est plutôt les gens qui assurent les métiers les invisibles, comme on en a parlé ces derniers temps, les métiers de support, les métiers de soutien, tous ces métiers sans lesquels le pays ne peut pas fonctionner, qui sont beaucoup plus assurés par des personnes qui sont moins socialement avantagées, qui sont peut-être effectivement de groupes ethniques différents, et donc probablement que les cas actuels ou les derniers cas contaminés sont plutôt des gens qui sont socialement moins avantagés. Mais je ne peux pas vous le certifiez, ça reste une hypothèse. C'est ce qu'on a observé en Allemagne, par exemple, sur les dernières données dont on a à disposition. Mais en France, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, puisque je n'arrive pas encore, quand je dis je, c'est en tant qu'épidémiologiste social, à croiser les données, à croiser les données sociales avec les données d'infection et avec les données d'évolution de la maladie. Michel Kelly-Irving, sur ces chiffres américains, et peut-être que vous disposez également de statistiques pour la Grande-Bretagne. Alors oui, il y a des statistiques semblables. Alors il faut dire que donc déjà pour vous donner un exemple, la mortalité des hommes noirs en Grande-Bretagne est presque 4 fois plus élevée en ce moment, donc un excès de mortalité par rapport à la période attendue, c'est-à-dire l'année dernière ou les années précédentes, on voyait pas autant de un excès de mortalité de ce type, et alors que chez les hommes blancs en Grande-Bretagne, on voit un excès de mortalité de 70% à peu près, donc quand même beaucoup moins élevé. Donc là, nous parlons des catégories, comme ils appellent en Grande-Bretagne, d'ethnicité. Il faut dire que chaque pays, donc quand on parle de la Grande-Bretagne versus les États-Unis, on ne va pas mettre derrière ces groupes ethno-raciales le même sens, puisque historiquement, socialement, ces gens-là, ces communautés viennent d'origines différentes et sont différentes. Mais nous constatons que lorsqu'on est discriminé, sans doute par le racisme, lorsqu'on a une peau plus foncée, lorsqu'on est une personne de couleur, on semble avoir un excès de mortalité en Grande-Bretagne et aussi aux États-Unis. Et d'autres statistiques en Grande-Bretagne montrent aussi que certaines professions ont une surmortalité actuellement autour du Covid, la mortalité attachée au Covid, et notamment on parle des agents de sécurité, les taxis, les chauffeurs de bus, les gens qui travaillent dans les magasins, les caissiers, toutes ces personnes-là en Grande-Bretagne ont pu faire une analyse pour montrer une surmortalité chez ces gens-là, et ainsi aussi avec les personnes dans le milieu du soin. Donc nous pouvons pas. Donc ils ont réussi à faire ça en Grande-Bretagne, puisque leur donnée, l'équivalent de leur INSEE, donc le Office of National Statistics, l'ONS, a pu fusionner leurs données sociales avec les données du NHS, donc de leur système de santé. Et donc, ils ont une précision avec des données individuelles et de très bonne qualité pour pouvoir faire des analyses. Voilà ce que nous pouvons pas encore faire ici. Ici, nous serons amenés à faire des analyses un peu comme ce qu'ils ont fait dans l'Observatoire régional de santé de l'Île-de-France, où ils ont pu mettre en évidence ce que vous avez dit au tout début de l'émission, c'est-à-dire des différences en termes du département, en termes des un peu plus de façon géographique, des différences de mortalité, où on fait l'hypothèse qu'il y a un élément social et socio-économique derrière. Alors justement, on va parler de la situation française, parce que je vous renvoie, on avait fait quelques chroniques, notamment une radiographie du coronavirus qu'on avait intitulée de manière un peu provocatrice « La Covid-19, une maladie de pauvre ?» point d'interrogation, et où on parlait des statistiques de Grande-Bretagne, où effectivement, on pouvait comparer un peu les chiffres de la population noire américaine avec des chiffres, en revanche, de la population provenant d'Asie en Grande-Bretagne, notamment les populations indiennes et pakistanaises, puisqu'on sait que les immigrations viennent majoritairement de là, en tout cas pour des personnes qui utilisent les métiers dont on va parler, c'est-à-dire les métiers de contact et plutôt en bas de l'échelle sociale pour la Grande-Bretagne. Alors parlons de la France, je l'évoquais tout à l'heure au tout début. En France, de quoi dispose-t-on ? On dispose d'un rapport de l'INSEE qui a indiqué pour la période entre le 1er mars et le 10 avril une hausse de la mortalité, une surmortalité de 118,4%, donc comme vous le disiez par rapport à l'année dernière. Comment est-ce que vous analysez ça ? Et quelles sont les informations que vous pouvez tirer qui vous permettraient d'expliquer finalement cette surmortalité qui est effectivement la Seine-Saint-Denis l'un des départements les plus pauvres mais aussi l'un des départements les plus jeunes. Or on sait que la Covid a plutôt tendance au contraire à avoir des taux de mortalité élevés chez les populations les plus âgées. Cyril Delpierre, qu'est-ce que vous avez pu faire et faire dire à ces statistiques de l'INSEE ? Premièrement, quand on voit ces données de mortalité, il faut toujours se poser la question de la qualité de l'information. D'où viennent ces données sur la mortalité ? Est-on sûr d'avoir toutes les causes de décès ? Imaginez qu'on oublie, comme ça s'est déjà passé, par exemple, quand on comptabilisait pas les données les décès des EHPAD, ben, ça peut changer la photographie. Donc il faut toujours se poser la question de comment on a ces données-là. Et l'INSEE, sa première mission n'est pas forcément d'aller collecter des données de décès qui sont plutôt faits par un service à l'INSERM qui s'appelle le CEPI-DC. Mais une fois qu'on voit cette surmortalité, bon, imaginez qu'en période d'épidémie, comme on l'a vécu, il y a une surmortalité, c'est pas très surprenant. Après, on s'intéresse à la mortalité. La mortalité, c'est la résultante de toutes les inégalités. Si je caricature, on est avec l'indicateur de santé qui est certes très objectif, mais le pire de tous, puisque c'est le décès. Et donc, c'est l'effet combiné et cumulé de tout ce qui s'est passé depuis le début. Et quand vous parlez de la Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est vrai que c'est une population qui est plus jeune. Sauf que les facteurs de risque identifiés de faire des formes graves de Covid et donc d'en décéder, on les connaît. En tout cas, on en connaît certains. C'est certaines comorbidités, comme l'obésité, comme le diabète, comme l'hypertension, comme certaines maladies pulmonaires. Et ça, on sait, par ailleurs, que les personnes qui sont effectivement moins socialement avantagées ont une probabilité plus grande d'être atteintes par ces pathologies. Et donc, l'hypothèse qu'on fait quand on voit ces résultats en Seine-Saint-Denis, alors que la population est plus jeune, c'est probablement parce qu'elle est plus comorbide. On parle de comorbidité parce qu'elles ont une des maladies associées, donc comorbidité, à l'infection par la Covid-19. Et donc, comme ils ont plus souvent ces comorbidités, ils sont plus à risque de faire des formes graves. Donc, c'est l'hypothèse que l'on fait, par exemple, sur la mortalité. Mais on peut en faire d'autres. Et donc, c'est ce que tout à l'heure disait Michel, on peut faire d'autres hypothèses. Par exemple, une hypothèse qu'on soumet, c'est que peut-être les réponses inflammatoires de ces personnes-là ne sont pas tout à fait les mêmes. On parle de tempêtes inflammatoires. Peut-être que des gens qui sont surstimulés de par leurs conditions de vie au niveau notamment inflammatoire, c'est-à-dire auront plus de risques. C'est quoi par exemple quand vous êtes, par exemple quand vous êtes dans une situation professionnelle où vous êtes exposé à différents agents toxiques, qu'en même temps vous êtes aussi exposé à des contraintes journalières, vous travaillez de nuit, vous avez des contraintes horaires, on vous stresse énormément, vous êtes tout le temps en demande comme vous pouvez l'être dans le métier de journaliste par exemple. On peut imaginer, et c'est pas que imaginer, que ça active des systèmes physiologiques qu'on connaît de mieux en mieux maintenant, et que cette activation des systèmes physiologiques, elle joue sur la capacité que l'on aura à répondre à une infection, ou en tout cas à la qualité de notre réponse inflammatoire. Donc on peut aussi imaginer que des gens qui ont été exposés à ces risques de manière chronique ont des réponses inflammatoires différentes. Donc ça reste une hypothèse. C'est une hypothèse qu'on a vérifiée par ailleurs dans d'autres études avec d'autres types d'approches, mais qui pourrait aussi être intéressante à aller regarder dans le cadre de l'infection par Covid. Mais encore une fois, pour cela, il faudrait qu'on arrive à croiser la qualité de la réponse immunitaire avec les données sociales, en y intégrant la qualité, le type de travail que l'on fait, les horaires, etc. Et donc, vous comprenez de suite qui nous faut un nombre de données. Bien sûr. Assez importante pour arriver à mieux comprendre les choses. Mais c'est ça qui est intéressant et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment vous entendre parce que tout ce que vous dites là, finalement, à partir de, enfin, on comprend bien comment on peut l'inférer, mais pour le moment, si je comprends bien, et vous me corrigerez évidemment si je me trompe, vous établissez des corrélations, mais vous ne disposez pas de suffisamment de données ou d'éléments pour pouvoir affirmer des causalités ou pouvoir tirer vraiment des liens de cause à effet, d'établir un niveau de preuve scientifique qui soit plus fort que la simple corrélation, Michel Kelly-Irving. Alors, en ce qui se concerne le Covid, on a quasiment pas de données, donc ça c'est sûr. On est même à peine capable de faire des liens de corrélation entre la condition sociale et le Covid. Donc là, on parle de nos autres travaux en lien avec des données biologiques qui nous intéressent, puisque ces données biologiques, dans les associations et les corrélations, on voit qu'elles ont une distribution sociale et socio-économique. Donc nous avons et quand même effectué des travaux où on a remonté dans le temps et on a regardé les expositions qui ont eu lieu pendant l'enfance et on a pu démarrer avec des techniques un peu plus rapprochées des techniques de causalité. Où en fait, on s'intéressait et on a décomposé notre analyse par des chemins différents pour tester comment le lien entre des conditions sociales et socio-économiques pendant l'enfance pourrait donner lieu à des réponses biologiques et un état biologique différencié à l'âge adulte. Et nous avons constaté qu'il y a plusieurs chemins qui ressortent, mais et qui méritent certes plus d'études, comme on va toujours le dire ça, quand on est chercheur. Mais on a pu établir que, d'une part, les enfants ne sont pas exposés à des infections de la même façon lorsqu'ils sont petits, ils évoluent dans un milieu social et socio-économique, dans des logements différents. Et nous savons, par exemple, que l'infection d'un virus qui s'appelle le virus d'Epstein-Barr, c'est un virus de type herpès qui est très répandu dans la population, eh bien, on a tendance à être infecté par ça plus tôt dans la vie, si on a vécu dans un endroit plus surpeuplé, un peu plus avec plus de personnes qui vivent dans le foyer, etc. Donc, l'une de nos premières hypothèses, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des mécanismes exogènes, des choses qui rentrent dans notre corps parce qu'on respire pas la même air, parce que on mange pas les mêmes choses, etc. Lorsque on vit dans des quartiers et dans des logements et dans un milieu plus socialement défavorisé. Donc ça, c'est première grande hypothèse que nous faisons dans nos travaux. Et le deuxième grande hypothèse, c'est celui qu'a soulevé Cyril, c'est que c'est l'hypothèse de la réponse au stress. C'est-à-dire que pareil, notre milieu social, socio-économique, nous expose des stress différents extérieurs qui peuvent être d'ordre et bien du stress financier, du fait de devoir aller travailler alors que tout le reste du monde est confiné, un stress peut-être dû au fait qu'on est discriminé par la couleur de notre peau. Et cette réponse au stress chronique est usant pour notre physiologie. Et ça, à terme, peut nous mettre plus à risque de certaines maladies. Voilà. Et donc, nous explorons ces deux grands mécanismes, ce qu'on appelle les mécanismes exogènes et endogènes, de cette incorporation du social vers le biologique. Et nous avons quelques pistes, mais bien entendu, en termes causalité, on a aussi encore beaucoup de travail à faire. Bien sûr. Cyril Delpierre, quelles seraient les méthodes ou les moyens que vous pourriez déployer pour consolider justement ces hypothèses et leur donner un peu plus de force de preuve? Je dirais, pour compléter ce que disait Michel, que s'il y a bien une discipline qui se pose la question de la causalité, c'est l'épidémiologie, dans son ensemble. Bien sûr. Puisque on est voilà. Donc, vous n'entendrez pas beaucoup d'épidémiologistes parler de causalité de manière ferme, en dehors d'approches type essai contrôlé randomisé, où on va tester un médicament versus un autre, et donc on est dans quelque chose de très contrôlé. À partir du moment où vous vous intéressez à des données observationnelles, à la vraie vie, c'est difficile de pouvoir imaginer de faire des essais contrôlés randomisés, c'est même non infaisable, voire non éthique. Donc en fait, on va devoir utiliser les données que l'on a, et donc on utilise beaucoup de On a recours à des modélisations statistiques pour essayer de contrôler les choses, par exemple quand on analyse nos données, mais en fait ce qui nous rassure le plus, c'est quand on arrive à trianguler les choses, c'est-à-dire que trianguler, c'est parce que si vous avez trois types d'approches différentes, par exemple, qui vous donnent le même résultat, on va avoir plus confiance à ce qu'on est en train de montrer. Et donc, on a des travaux en épidémiologie sociale. Michel, vous parlez des stress, par exemple. Ben, il y a des travaux sur des souris, de manière très expérimentale, qui montrent que des stress de séparation maternelle, ben, ça peut être associé à des modifications du fonctionnement biologique. On sait aussi, avec des données épidémiologiques, que des gens qui ont eu effectivement des problèmes, par exemple, d'adversité durant l'enfance, des gens qui étaient mis en foyer, par exemple, ont des caractéristiques biologiques qui peuvent être aussi différentes. Puis après, on va encore travailler avec d'autres disciplines, avec des sciences humaines, où on va avoir, par exemple, ou de l'imagerie, qui vont aussi aller corroborer ces résultats. Et donc, plus on aura d'éléments qui vont aller dans le même sens, et plus on sera confiant sur nos résultats, et plus on se rapprochera de quelque chose qui pourrait être causal. Mais de parler d'avoir un vocabulaire véritablement causal, c'est extrêmement dangereux, parce que vous êtes causal jusqu'au jour où on a trouvé une autre cause qui expliquait ce que vous étiez en train d'étudier. Bien sûr. Vous disposez, alors tout de même, il y a quelques statistiques qui sont intéressantes et qui corroborent évidemment ces hypothèses, des statistiques de l'INED, qui est à l'Institut National d'Études Démographiques, et je pense notamment à ce tableau sur l'exposition au virus en fonction du quartile des salaires, c'est-à-dire les salaires divisés en quatre catégories en fonction, bien que l'on soit dans le premier, c'est-à-dire qu'on gagne le moins, ou le quatrième où on gagne le plus, et où là on peut avoir un taux ou un facteur d'exposition au virus en fonction de son activité professionnelle. Et ce tableau, il est très très parlant, enfin très rapidement, il suffit de jeter un coup d'œil, hein. C'est-à-dire que les plus exposés sont évidemment les travailleurs du premier quartile, qu'il s'agisse des agents d'entretien, des vendeurs, des aides à domicile, etc. Et puis ensuite, ça recule un petit peu, mais en tout cas, tous les gens les plus exposés sont toujours les premiers du quartile, c'est-à-dire que c'est les moins payés du quartile qui vont à un moment donné, qui en général sont en présentiel, comme on dit avec ce vilain néologisme aujourd'hui, et qui sont aujourd'hui les plus exposés. Et ça donne des statistiques, ou en tout cas une grille de lecture intéressante par rapport justement à ce qu'est l'exposition professionnelle et finalement le risque socio-professionnel sur l'incidence en termes de facteurs de santé, Cyril Delpierre. Oui, par exemple, ça, en fait, on a des faisceaux d'arguments. C'est-à-dire que voilà. Vous avez l'étude dont vous parlez. Effectivement, on sait que les populations qui sont les plus exposées, ce sont en général, c'est effectivement celles qui ont des revenus les moins élevés. Et je rajouterai un élément que vous avez peut-être omis de dire, c'est que en général, c'est des métiers qui sont principalement féminins. Donc, il y a en plus une exposition de genre. Donc, en fait, on a d'un côté ce résultat-là. On a de notre côté un résultat qui montre aussi que les comorbidités sont plus fréquentes dans les milieux qui sont moins socialement avantagés. On a aussi des données qui montrent que les logements, par exemple l'accès à un jardin, l'accès à un extérieur, est différent en fonction de ces niveaux des revenus, et que ça joue sur le risque de transmission de l'infection. Donc finalement, on a des faisceaux d'arguments. Je vous parlais tout à l'heure de triangulation. C'est un peu ça. On a des faisceaux d'arguments qui nous permettent de penser raisonnablement que les hypothèses dont on a parlé jusqu'à maintenant, elles tiennent la route. Mais une étude dans laquelle on pourrait tester tout ça, où on aurait à la fois les caractéristiques professionnelles, les revenus, à la fois les informations sur le logement et à la fois des informations sur l'évolution de la maladie, elles sont rares. Elles se mettent en place de manière ad hoc. Il y a des études qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui ou qui commencent à donner des résultats, mais on n'a pas ces données en routine. On n'a pas encore la possibilité de les utiliser en routine, alors même que chacune de ces informations sont collectées dans différents systèmes. Moi, j'aimerais vous poser une question parce qu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, et j'aimerais vous poser l'utilisation ou en tout cas la répercussion de ces informations et de ces hypothèses que vous pouvez formuler en épidémiologie sociale sur la décision publique et la décision politique. Et on entendait tout à l'heure Thomas Piketty au tout début de cette émission sur la question du confinement, et on voit bien que le confinement, comme le déconfinement d'ailleurs, comme finalement un certain nombre de mesures de distanciation sociale et ou de télétravail ou de mise à distance des salariés d'une entreprise ont été pensés dans quasiment tous les pays d'ailleurs, vous me corrigerez si je me trompe, de manière universelle, en disant on met tout le monde dans le même panier et tout le monde est traité à peu près, avec des différences certainement à la marge, de la même façon. Or, on voit bien, au regard de ces travaux, qu'il y a évidemment une différence très importante en fonction du milieu social, et que le milieu social va influer directement, non seulement sur la faculté ou sur l'hypothèse d'attraper, de contracter la maladie, mais également sur l'ensemble de la contrainte que font peser ces mesures sur la vie individuelle. Comment faire finalement? Est-ce qu'il aurait fallu, alors pour essayer de résumer la question, est-ce qu'il aurait fallu penser justement l'ensemble de ces mesures de confinement, de distanciation sociale, de reprise du travail, de rapport au travail, de façon stratifiée socialement, ou en tout cas les adapter en fonction finalement bien des revenus et des strates sociales auxquelles appartiennent les différentes populations. Michel Kelly-Irving. C'était très long et très compliqué, mais oui. Vous voyez où je veux en venir. Voilà, je vois exactement où vous voulez en venir. Je pense que du coup, ça fait référence à au moins trois échelles de réflexion qu'il faut avoir lorsqu'on réfléchit à ce qui se passe en ce moment. La première, on a longuement discuté, c'est le risque de tomber malade et d'avoir une forme grave du Covid qui n'est pas pareil selon son milieu social. Mais ensuite, nous avons les effets de ces mesures universelles qui ont été mises en place, c'est-à-dire le confinement, le quarantaine. Voilà. Donc les gouvernements ont tenté de faire quelque chose en mettant en place le chômage partiel, les aides, etc. Mais nous savons que dès le départ, lorsqu'on met quelque chose en place qui est universel pour tous, ça ne tient pas compte des différences sociales sous-jacentes. Et je pense que ça aurait pu peut-être être réfléchi en termes du confinement lui-même. Nous avons aussi des actions de prévention secondaire qui auraient pu peut-être être mises en place, c'est-à-dire les personnes perdues de vue, qui sont des malades chroniques, qui sont sans doute plus à même d'être dans des populations défavorisées. Où en sont-ils? Est-ce qu'on va pouvoir les suivre? Est-ce que des mesures auraient pu être mises en place dès le départ pour ne pas perdre de vue certaines personnes comme ces gens-là, par exemple? Ensuite, les personnes qui sont vulnérables, les enfants, les jeunes, les femmes qui sont cloisonnées dans des situations de violence. Voilà, donc ça c'est pour le confinement actuel. Ensuite, nous avons le problème du confinement à long terme, puisqu'il a des conséquences socio-économiques énormes. Et ça, nous savons, en épidémiologie sociale, que ça va donner lieu à des inégalités sociales, et notamment à des inégalités sociales de santé au long terme. Mmh. Et là, maintenant, je pense que le moment est maintenant pour réfléchir à cette prévention-là. Et il nous faut les données collectées en routine afin de pouvoir le faire. Il nous faut des études en place, mais il faut surtout une volonté politique d'intégrer cette réflexion-là dans toutes les politiques. Cyril Delpierre, pour conclure sur cette question de l'adaptation finalement et de la nécessité d'adaptation, surtout dans un contexte où ce qui est en jeu tout de même, c'est la vie d'une partie de la population. En fait, aujourd'hui, vous avez donc des groupes qui sont, vous l'avez dit vous-même, plus exposés au risque de l'infection, plus exposés au risque de faire une forme grave, et plus exposés au fait que le confinement ait des conséquences sur leur santé que d'autres groupes. Donc, une fois qu'on fait cette hypothèse-là, ou une fois qu'on a les données qui nous montrent ces choses-là, il faut absolument développer des interventions qui en tiennent compte de ces différences. Donc nous, on promeut l'approche d'universalisme, donc on fait une intervention pour tout le monde. Par contre, le niveau d'intervention que l'on va mettre en place, il doit être adapté aux besoins des populations. Et clairement, le confinement, on aurait pu imaginer que surtout le déconfinement tienne compte du fait que dans certains groupes, il est beaucoup plus difficile de vivre confiné que dans d'autres. Et que donc, dans ces groupes-là, on doit prioritairement mettre en place le déconfinement, par exemple. Et ça, c'est une façon de penser qui est nouvelle, en tout cas. On voit apparaître ce type de réflexion dans le champ de l'éducation, puisqu'on commence maintenant à mettre en place des moyens supplémentaires dans certains types d'écoles ou classes dont on sait qu'elles ont plus de difficultés. Donc on voit apparaître ce type d'approche, et il faut absolument que ce type d'approche-là soit développé dans le champ de la santé pour pouvoir donner le niveau d'intervention adapté aux besoins des populations. Et dans le Covid, c'est pas ce qui s'est passé. Je prendrai juste l'exemple de l'attestation. En un mot, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission. Voilà, en un mot, voilà, l'attestation de déplacement qui a été faite. Si vous regardiez le niveau de vocabulaire qui a été utilisé pour faire ces attestations, il y a fort à parier qu'on s'est pas adapté au niveau le plus simple pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agissait. Donc, Ce sera le mot de la fin. On arrive malheureusement au terme de cette émission, mais merci beaucoup à tous les deux. Merci Michel Kelly Irving, merci Cyril Delpierre d'être venu nous parler d'épidémiologie sociale. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Dominique Gelsin-Vulfran, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Nasser Moussaoui à la technique. Demain, nous parlerons encore d'épidémiologie avec peut-être l'épidémiologiste le plus couru de France et de Navarre aujourd'hui. Il suit au plus près l'épidémie depuis le début. Il est au conseil scientifique du gouvernement. Nous essayerons avec lui de tirer les premiers enseignements de ces 4 mois si particuliers que nous venons de traverser et de jeter un œil vers le futur de ce qui nous attend dans les semaines et dans les mois à venir. Arnaud Fontanet sera notre invité demain à 16h. Avant cela, on se retrouve à 8h55 pour la radiographie du coronavirus, jusqu'à preuve du contraire.